Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les problèmes posés par le grand cerveau de l'homme? Comment les caractères liés au développement du cerveau se sont-ils mis en place au cours de l'évolution des hominines, des australopithèques à Homo sapiens? Demande le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Quelles sont les contraintes anatomiques et énergétiques à la naissance des bébés humains par rapport aux primates? Comment intervient la plasticité du cerveau humain et quel est le rôle de la reproduction coopérative? Comment sommes-nous programmés pour la prosocialité, demande encore le chercheur. Et que pouvons-nous apprendre sur notre longue évolution du développement dentaire, de l'analyse des microstructures des dents et de leurs stries? Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléanthropologie au Collège de France, propose d'analyser les stratégies des espèces animales pour extraire de l'énergie et l'allouer à différentes grandes fonctions, grandir, se reproduire, se réparer, et à différents organes, le cerveau, le tube digestif, dans le cadre de sa série de cours intitulée en 2017 « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine. » Rendant hommage à la dernière découverte internationale et en équipe au Maroc de Jean-Jacques Hublin aux côtés de Abdelawed Ben Anser de l'Institut National d'Archéologie et du Patrimoine, ils ont découvert le plus vieux des Homo sapiens sur le site de Jebel Irhoud. Le magazine Science et Avenir rappelle que le paléanthropologue a mis très tôt les nouvelles technologies à son service. Plusieurs scanners, dont l'un mobile qui peut aller radiographier les fossiles aux quatre coins de la planète, des imprimantes 3D qui délivrent des moulages à la demande, des stations pour manipuler virtuellement les fossiles, des spectromètres de masse, etc. Jean-Jacques Hublin et ses équipes sont devenus les experts, entre guillemets, qui font parler les fossiles. Et aujourd'hui, ce sont les dents qui vont parler. Et nous allons découvrir qu'il n'y a pas d'un côté le modèle du grand singe et le modèle de l'homme, mais des modèles de singes et d'hommes et des combinaisons de caractères qui tirent les hominines vers les uns et les autres. Dans Science et Avenir, Jean-Jacques Hublin explique, et je le cite, « À moins 300 000 ans, l'apparition d'Homo sapiens est donc bien plus ancienne. » Et son évolution lente, car si les hommes de Jebel Irhoud sont très proches de nous par certains aspects anatomiques, la face, la denture par exemple, ils présentent des différences avec les hommes actuels, en particulier en ce qui concerne leur cerveau, qui était de grande taille, mais différent du nôtre. La grande affaire de notre évolution durant les derniers 300 000 ans est bien notre cerveau, précise encore le paléanthropologue. Dans le cours précédent, il expliquait que dans le fond, du point de vue adaptatif, les hominines se sont offert un cerveau très consommateur d'énergie, mais en même temps très avantageux, et grâce à des comportements complexes, les hommes ont pu s'adapter de façon toute particulière et efficace à leur environnement. Et nous gagnons le Collège de France le 24 octobre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, « Grandir avec un grand cerveau ». Je vous ai expliqué la dernière fois que d'être grand, d'avoir un grand cerveau, tout ça c'est bel et bon, de vivre très longtemps, mais ça a un prix, Et en particulier, ça a un prix énergétique. Le cerveau est un organe qui consomme beaucoup d'énergie pour son fonctionnement, pour son développement, sa croissance. C'est une croissance qui est très coûteuse. Donc, l'idée générale, c'est que les hominines ont, dans le fond, économisé de l'énergie dans un certain nombre d'autres budgets pour la réallouer au cerveau. L'hypothèse qui est la plus couramment acceptée et qui a eu le plus grand succès, c'est une hypothèse qui a été proposée par deux auteurs qui s'appellent Aiello, Leslie Aiello et Wheeler, et qui est connue dans la profession, dans le jargon, comme the expensive tissue hypothesis, c'est-à-dire l'hypothèse du tissu qui coûte cher, hein, du tissu, il s'agit de tissu vivant, bien sûr. Hein. Un travail donc, qui a été publié en 1995, ces auteurs ont observé que, quand on regardait la composition corporelle de l'homme par rapport à ce qu'on trouve chez d'autres grands primates, on observe effectivement qu'il a un cerveau beaucoup plus grand que ce qu'on devrait observer, mais qu'ensuite, quand on regarde les autres organes du corps qui coûtent aussi relativement cher, vous vous souvenez que les muscles, ça coûte cher, vous vous souvenez que le foie, ça coûte cher, etc., eh bien, il y a un organe qui coûte très cher et qui est l'intestin. Et donc, l'idée de ces auteurs, c'est que, en fait, les hommes ont le premier poste, si je peux dire, sur lequel ils ont économisé et récupéré de l'énergie, c'est le tube digestif et c'est l'intestin. Et comment ils ont fait ça? Ben, ils ont fait ça en raccourcissant de façon dramatique leur tractus digestif, leur intestin. Donc l'idée générale de cette hypothèse, c'est que c'est un changement d'alimentation qui serait apparu il y a environ 2 millions d'années, avec un passage d'une alimentation qui est essentiellement végétale et qui demande beaucoup d'énergie pour la digestion, à une alimentation qui est beaucoup plus riche en énergie, avec en particulier de la viande et surtout des graisses qui sont ajoutées. Alors, cette viande et cette graisse, les grands singes comme les chimpanzés en consomment un petit peu, mais nous, on en consomme beaucoup plus que n'importe quel chimpanzé. Et en faisant ça, on obtient un apport calorique plus important, et puis aussi, on peut se permettre d'avoir un intestin plus court. Les carnivores ont un intestin plus court que les herbivores. Pas. Regardez une vache, regardez un chien. Bon, c'est pas pareil, hein, la vache, elle a un très très grand intestin parce qu'elle digère de l'herbe. Alors, cette hypothèse, encore une fois, c'est l'hypothèse qui est, et on va en reparler très souvent, qui est évidemment difficile à prouver de façon empirique, si je peux dire. Ce qu'on observe, effectivement, c'est qu'il y a un changement alimentaire qui correspond plus ou moins à l'apparition des premiers représentants du genre homo. Mais vous vous souvenez que cette augmentation de la taille du cerveau avec les premiers représentants du genre homo, c'est pas si clair que ça. Puisque, dans le fond, on se dit que c'est peut-être aussi l'augmentation de la taille qui explique l'augmentation du cerveau. Alors, l'hypothèse a été raffinée, en particulier, à un moment donné, on a ajouté la cuisson dans cette équation-là, qui est aussi un facteur qui permet d'augmenter l'apport calorique. Cette hypothèse-là, elle a été complétée et elle a même été critiquée. Alors, complétée comment? On a dit, mais en fait, c'est peut-être pas seulement l'intestin, c'est d'autres organes. Et en fait, l'idée de certains, c'est que partout où il y avait des économies à faire, on en a fait. Et dans tous les organes du corps, vous vous souvenez que les muscles, c'était quelque chose aussi qui consommait de l'énergie. Les muscles consomment de l'énergie même quand vous n'êtes pas en train de monter un escalier. Hein. Les muscles consomment de l'énergie. Bon. D'une façon générale, les primates ont une masse musculaire qui est plus faible que les autres mammifères. En moyenne. Donc déjà, on se place dans une famille de mammifères qui n'est pas spécialement musculaire par rapport aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que au sein des primates, si on compare les hommes avec, par exemple, des macaques ou des chimpanzés, on se rend compte qu'une fois qu'on a normalisé les mesures en tenant compte de la taille, eh bien, en gros, les hommes ont une puissance musculaire qui est beaucoup plus faible que celle d'un macaque. Donc si vous rencontrez un macaque qui a votre taille, méfiez-vous, hein, parce qu'il est beaucoup plus fort que vous. Et donc, là encore, on a fait un peu le même raisonnement, c'est-à-dire que dans le fond, les hommes ont développé un cerveau qui leur permet de faire des tas de choses astucieuses pour ne pas avoir besoin de se servir de la force physique. Ils ont des armes, ils ont des animaux domestiques, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, dans le fond, un homme arrive à venir à bout de ce sanglier sans avoir à le déchirer à belles dents. Et donc, cette économie d'énergie sur les muscles, pareil, comme pour l'intestin, elle a été réallouée au cerveau. Donc, on va parler un petit peu de l'énergie dans un instant. On verra dans les cours prochains ce qui se passe avec la locomotion. En gros, la question, c'est est-ce que la locomotion humaine, elle est économe d'énergie ou pas par rapport à celle d'autres primates ou mammifères? Et puis, alors, la croissance, la reproduction, ça, on en a déjà pas mal parlé et on va en parler encore un petit peu aujourd'hui. Donc, il y a un article qui est paru l'année dernière par Pontzer qui a regardé de près cette question de l'énergie, du métabolisme basal et puis aussi de la dépense d'énergie journalière. Et effectivement, on a déjà parlé lors du dernier cours, les hommes se distinguent au sein des grands singes par leur métabolisme élevé et par leur consommation d'énergie journalière qui est nettement plus grande que celle qu'on trouve chez les autres grands singes. Alors encore une fois, tout ça est normalisé en taille, c'est-à-dire que quand on compare ici un gorille et un homme, c'est pas un gorille et un homme, c'est un gorille théorique de 55 kilos, il n'y en a pas beaucoup, et puis un homme de 55 kilos aussi, pas beaucoup non plus en fait. Et vous avez ici les mâles, les hommes, et ici les femelles, et vous voyez que même simplement le métabolisme basal lui-même est très élevé chez l'homme. Et donc ça répond un peu à la prédiction de Karel Vanček et de son équipe. Donc il y a quelque chose qui joue autour de l'extraction d'énergie. Évidemment, ça rejoint, d'une certaine façon, tout ça quand même tourne toujours autour de cette idée qu'il faut trouver de la nourriture qui soit très riche en calories. Et puis je vous ai parlé de ce problème de sécurisation de l'apport d'énergie pour le corps et en particulier pour le cerveau qui est très coûteux. Et vous voyez que en plus de ce métabolisme et cette consommation d'énergie journalière qui est très élevée chez les hommes par rapport aux grands singes, il y a une autre différence assez terrible, c'est ce truc jaune là à gauche, c'est de la graisse. Hein. Nous sommes gras. Hein. Donc vous voyez que les hommes sont beaucoup plus gras que les singes. C'est absolument injuste. Si vous êtes un chimpanzé que vous restez dans un zoo assis à ne rien faire, vous aurez toujours moins de gras qu'en allant au club de gym toutes les semaines. Donc c'est comme ça. Les hommes font plus de gras. Les femmes, c'est pire. Hein et d'une façon générale, on a toute une adaptation, si je peux dire, autour de la graisse. Hein, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire aujourd'hui, mais dans le passé, c'était chouette. Parce que, dans le fond, cette graisse, ça permet à ces espèces d'hominines anciens de passer à travers des périodes de disette, même de disette assez fortes, sans mettre en danger leur approvisionnement énergétique et l'approvisionnement énergétique de leur cerveau. Et d'ailleurs, ça explique aussi que les bébés humains sont des bébés très gras par rapport à la naissance. Ils ont pas encore eu le temps de pêcher du côté de l'alimentation, mais ils sont très gras par rapport aux bébés de chimpanzés, gorilles, ou tout ce que vous voulez. Donc, voilà pour ce qui est de l'énergie. Alors maintenant, donc, on a un cerveau qui, d'une certaine façon, arrive à se nourrir en trouvant de l'énergie dans l'environnement, plutôt son propriétaire se charge de la trouver, et puis il a une assurance qui est donc cette matière grasse. Alors maintenant, il y a d'autres problèmes qui sont liés à la taille du cerveau. Et il y a un autre problème, c'est le problème de la locomotion bipède chez l'homme, plutôt que de la locomotion d'ailleurs de la posture bipède chez l'homme. Pourquoi ? Eh bien parce que le cerveau, à la naissance, il faut qu'il passe à travers le bassin de la mère. Et donc là, il y a une limitation qui est assez forte. Il y a une limitation qui est assez forte. Pourquoi ? Eh bien parce que un bipède, même s'il ne court pas, ne peut pas élargir son bassin de façon indéfinie. La grande différence entre le bassin d'un bipède et le bassin d'un quadrupède, c'est que un bassin de bipède, c'est un bassin qui soutient les organes et qui est ouvert vers le bas, alors que chez les quadrupèdes, les organes sont suspendus au bassin, qui a une forme complètement différente. Et donc cette histoire du bassin qui est ouvert vers le bas, bah, il peut s'ouvrir, mais pas indéfiniment. Hein. Si on l'ouvre trop, bah, les organes vont passer au travers. Et donc il y a, lié à la station verticale et lié à la posture bipède, il y a une contrainte anatomique qui, dans le fond, garde, si je peux dire, le bassin pas trop large. Et puis s'ajoute à ça d'autres contraintes. Alors, on a beaucoup parlé de la locomotion elle-même. On n'est pas très sûr maintenant que c'est si important que ça. On peut se déplacer, même avec un bassin beaucoup plus large. Il y a aussi des contraintes, on en parlera quand on verra la thermorégulation, qui sont liées à la forme du corps. Et donc, la forme du corps, en particulier dans les milieux tropicaux où les hominines ont évolué pendant très très longtemps, eh bien, pour des raisons de refroidissement, de surface, de rapport entre la surface et le volume du corps, eh bien, on ne peut pas avoir des corps qui soient trop larges, si je peux dire. Et donc, il y a aussi une contrainte pour maintenir une forme corporelle qui est plutôt longiligne et étroite que large. Cette forme plus élargie, elle n'est avantageuse que vraiment dans les climats très froids, mais pour l'instant, on n'en parle pas, les hommes n'y sont pas allés. Et donc, on sait que chez d'autres primates, le macaque, ce fameux macaque qui devrait vous faire peur, chez les macaques, par exemple, à la naissance, la taille du cerveau, c'est à peu près 70% de la taille d'un cerveau adulte de macaque. Et la croissance de ce cerveau se termine pendant la première année de la vie. Chez les hommes, c'est pas possible. Et c'est pas possible pour des raisons qui sont des raisons énergétiques et qui sont des raisons purement anatomiques. Une femme qui porterait un bébé qui aurait un cerveau qui, à la fin de la grossesse, aurait 70% de la taille adulte, s'exposerait à des problèmes énergétiques très difficile, puisque je vous rappelle que déjà, elle consomme 80% de son métabolisme basal avec son propre cerveau. S'il fallait qu'elle en alloue à peu près presque autant au cerveau de son futur enfant, elle il lui resterait pas beaucoup d'énergie pour faire autre chose. Et puis, donc, ce problème anatomique de la mise au monde du bébé. La façon dont on s'en est tiré, on va détailler ça dans un instant, c'est, dans le fond, en mettant au monde des enfants dont le cerveau est beaucoup plus petit en proportion de la taille adulte que celui de ce macaque dont je parlais tout à l'heure. Mais malgré ça, encore faut-il que cette tête de ce bébé passe à travers le bassin de la mère. Et il y a toute une adaptation chez les hommes qui est tout à fait originale, qu'on n'a pas chez les autres primates, avec un passage de la tête du bébé dans ce qu'on appelle le détroit supérieur, qui est dans une orientation transversale, et puis ensuite une rotation de la tête avec le bébé qui sort avec la tête qui n'est plus en position transversale, mais qui est, au contraire, dans une position longitudinale. Donc, cette mise au monde rotationnelle, si je peux dire, du bébé, c'est un caractère humain, et on pense que c'est probablement apparu assez tardivement dans l'évolution humaine. Vous vous souvenez, ces derniers 500 000 ans où on a cet accroissement de la taille du cerveau adulte, c'est probablement là que ça joue. Donc, je reviens sur la question de la la taille du cerveau à la naissance, il y a ce paradoxe, c'est que les hommes qui sont les primates qui ont le cerveau le plus grand à l'état adulte sont les primates qui ont, en proportion de la taille adulte, le cerveau le plus petit à la naissance. Et cette taille du cerveau à la naissance chez un homme, elle est un petit peu plus du quart de la taille de l'adulte. On est très très loin des 70% de notre macaque. Et on est même très très loin de ce qui se passe chez un chimpanzé, où on a une taille qui est à peu près de l'ordre de 40%, un petit peu plus, parfois, de la taille adulte. Donc, dans le fond, on a, si je peux dire, résolu une partie du problème, en tout cas pour la mère, en mettant au monde un bébé qui aura un très grand cerveau, mais qui, pour l'instant, a un cerveau qui est assez petit, en fait, par rapport à ce qu'il doit devenir par la suite. Et donc, ça a un certain nombre d'implications. Une des implications, c'est que ce cerveau humain, eh bien, il va grandir beaucoup plus longtemps à l'extérieur du corps de la mère que le cerveau de notre chimpanzé ou de notre macaque. Et cette croissance à l'extérieur de la mère, donc dans le monde extérieur, ça a, si je peux dire, un certain nombre d'avantages. On n'est pas très sûr qu'au début, ces avantages aient été sélectionnés comme tels par la sélection naturelle, mais très vite, probablement, ils le sont devenus. Alors, un des avantages, encore une fois, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais au départ, on a un problème énergétique et un problème anatomique. Mais vous allez voir qu'il y a des retombées, si je peux dire, secondaires, qui sont intéressantes. Alors, au moment de la naissance, je vous ai dit, le cerveau, il fait à peu près un quart de la taille adulte. Il va continuer à se développer en volume, mais ce ne sont pas toutes les parties du cerveau qui se développent de façon proportionnelle pendant la grossesse et puis ensuite après la naissance. Et en particulier, il y a une partie du cerveau qui se développe beaucoup après la naissance, c'est ce qu'on appelle la matière blanche, qui se trouve donc sous le cortex. Et cette matière blanche, ce sont tous ces fils, si je peux dire, qui relient différentes parties du cerveau, et en particulier différentes parties du cortex. Et donc, on a cette situation tout à fait extraordinaire avec les hommes, c'est que, dans le fond, les connexions cérébrales, eh bien, elles vont non seulement se développer en grande partie après la naissance, mais surtout, elles vont être constamment remodelées en fonction des stimuli que l'enfant va rencontrer. C'est-à-dire que ce petit enfant qui naît, il va interagir avec ses parents, il va interagir avec l'environnement. Il va apprendre à parler. Je vous rappelle que la taille finale du cerveau, c'est vers 5-6 ans. Hein. Donc, il va apprendre à parler alors que ce câblage est en train de se mettre en place. Et donc, imaginez que vous utilisiez un ordinateur et que cet ordinateur, dans le fond, il soit façonné, retravaillé en fonction de ce que vous faites avec pour l'optimiser. Et c'est exactement ce qui se passe avec le cerveau humain. Bon, ça se passe aussi avec le cerveau d'autres grands singes, mais chez l'homme, ça va très très loin puisqu'il y a une grande partie donc de la croissance cérébrale qui se passe ainsi. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est que même une fois la taille adulte atteinte vers 5-6 ans, eh bien, l'affaire n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'il y a une longue période de maturation du cerveau, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de connexions synaptiques qui se mettent en place au début de la croissance, mais jusque vers l'adolescence, il se passe des tas de choses, et en particulier, il y a un moment, pendant l'enfance, où, dans le fond, le cerveau voit disparaître un certain nombre de connexions qui sont moins utilisées ou qui ne sont pas utilisées, et au contraire, d'autres qui sont renforcées parce qu'elles sont très, très utiles et qu'elles sont souvent activées. C'est exactement pour cette raison que vous pouvez apprendre n'importe quelle langue étrangère, pratiquement sans accent, jusqu'à un certain âge. Et puis, si vous devenez adulte, ça devient plus compliqué. Et puis, vous allez activer d'autres parties de votre cerveau pour parler cette langue. Et d'ailleurs, vous allez la parler, en général, avec un accent. Il y a peu de chances que vous ayez exactement les mêmes capacités qu'un enfant qui aurait appris ça comme sa langue maternelle. On voit ça aussi avec ce qu'on appelle la myélinisation du néocortex, c'est-à-dire le fait que toutes ces connexions entre les neurones s'entoure de gaines d'une matière qu'on appelle la myéline, matière grasse, et qui facilite la transmission des signaux à l'intérieur du cerveau. Et là encore, quand on compare ce qui se passe chez l'homme et ce qui se passe chez les chimpanzés, eh bien, on se rend compte que, dans le fond, chez les chimpanzés, eh bien, d'abord, l'adolescence est beaucoup plus précoce que chez les hommes. Et donc, quand on arrive à l'adolescence chez les chimpanzés, c'est fini, si je peux dire, au point de vue mise en place de toutes ces structures. Alors que chez l'homme, c'est assez extraordinaire parce que ça continue jusque, disons, chez les jeunes adultes. Et d'ailleurs, cette plasticité du cerveau, rassurez-vous, elle ne disparaît jamais complètement. C'est-à-dire, on continue à être capable de, dans le fond, réadapter certaines partie du cerveau pour des fonctions, c'est ce qu'on observe en particulier quand les gens ont des accidents ou des problèmes cérébraux. Alors, on en a parlé à propos du sevrage la dernière fois. Cette situation de mettre au monde des enfants avec un cerveau qui est pas fini du tout et qui, dans le fond, au moment de la naissance, consomme beaucoup moins d'énergie que ce qu'il va consommer plus tard, autour de 5-6 ans, eh bien, ça présente aussi un autre avantage qui est ce que l'on appelle la reproduction coopérative chez les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la reproduction coopérative? Ça veut pas dire qu'on se met à plusieurs pour faire un enfant, mais ça veut dire que, dans le fond, une fois que l'enfant est sevré par sa mère, et ça arrive, vous vous souvenez que ça arrive beaucoup plus jeune chez les hommes que chez les autres grands primates, eh bien, dans le fond, ces enfants, ils peuvent être pris en charge par d'autres adultes. Enfin, en partie, en tout cas. Et donc, on a des échanges d'énergie avec des contributions par le père, les grands-parents. On a beaucoup parlé des grands-mères la dernière fois. Et donc, ça, c'est un caractère assez particulier aux hommes et qui explique le fait que, d'abord, une femme peut avoir plusieurs enfants d'âge différent en même temps, et si je peux dire, elle peut s'offrir ça, parce que il y en a d'autres qui les nourrissent, les enfants, d'accord ? Et surtout qui les nourrissent à une époque où leur cerveau est encore en construction et demande beaucoup d'énergie pour être terminé. Et donc, c'est sans doute cet ensemble d'adaptations qui explique que les hommes qui sont des grands primates, qui ont un grand cerveau, eh ben, même beaucoup plus gros que celui des autres grands primates, arrivent quand même à avoir une fécondité plus élevée que ce qu'on observait chez les chimpanzés, chez les gorilles, avec en particulier un intervalle entre les naissances qui est plus court. Et donc, c'est un petit peu l'explication de ce paradoxe humain. Et ça a évidemment des conséquences sur le plan comportemental, sur le plan de la complexité sociale, même sur le plan psychologique, j'en ai parlé dans d'autres cours, mais les sociétés humaines, avec ce mode de reproduction-là, par définition, sont des sociétés de partage. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des enfants. Et donc, si on regarde la consommation d'énergie par un chimpanzé tout au long de sa vie, on a une courbe qui ressemble à ça, et si on compare cette courbe à sa production d'énergie, c'est-à-dire ce qu'il extrait de l'environnement, ben c'est la même courbe. Hein. C'est-à-dire ce chimpanzé, quand il est sevré par sa mère, bon, au début il y a une petite différence parce qu'il est allaité, mais dès qu'il va être sevré par sa mère, eh bien il va se débrouiller tout seul et il va manger ce qu'il trouve et ça va remplir ses besoins énergétiques. Alors que chez les hommes, en tout cas les courbes que je vais vous montrer, c'est pour des chasseurs-cueilleurs, mais c'est vrai aussi pour des sociétés industrielles, évidemment. Voilà la consommation d'énergie par un enfant et puis ensuite un adulte tout au long de la vie. Alors, vous voyez que la consommation d'énergie, elle est beaucoup plus élevée. Donc, rappelez-vous ce que je viens de vous montrer, l'étude de Ponzer. Hein, donc, on consomme plus d'énergie que les autres. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que la production C'est-à-dire que l'extraction d'énergie de l'environnement, c'est une courbe complètement différente. Hein. Et donc, disons, jusqu'à la fin de l'adolescence, les hommes sont des consommateurs nets. Ils ne produisent pas autant que ce qu'ils consomment. Mais par contre, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et c'est encore plus vrai dans des sociétés développées, les individus à l'âge adulte vont extraire de l'énergie beaucoup plus que ce dont ils ont besoin, et je dirais même parfois beaucoup trop, mais ils vont en extraire beaucoup plus, et cet excès d'énergie, eh bien, il est donné, si je peux dire, il est partagé avec ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les enfants et puis les gens qui sont beaucoup plus âgés. Et là, à nouveau, la courbe s'inverse à partir d'un certain âge. Sur le plan, je dirais, psychologique, ça a aussi des implications très très fortes. Pourquoi ? Eh bien parce que une grande différence, encore une fois, entre les petits chimpanzés et les enfants humains, c'est que les petits chimpanzés, ils grandissent dans une espèce de tête-à-tête avec leur mère, et puis à un moment donné, ils deviennent indépendants, et puis ils se débrouillent. Les enfants humains, eh bien, ils grandissent avec d'autres enfants, premièrement. Donc, vaut mieux pas quand même que ça se passe trop mal avec les frères et sœurs. Hein, ça serait dangereux pour la postérité de l'espèce. Donc, normalement, chez les enfants humains, il n'y a pas ce qui se passe dans d'autres espèces animales, où en gros, il y a un des petits qui élimine les autres. Et puis, surtout, les enfants, il faut que dès leur plus jeune âge, ils apprennent à attirer l'attention des autres. Et quand je dis des autres, ça veut dire pas seulement la mère, hein, mais les autres adultes. Et donc qui crée des liens avec les autres adultes. Et ces liens se maintiennent tout au long de la vie. Évidemment, quand la mère a d'autres enfants, il faut qu'aussi celui qui est né avant, il continue à avoir, si je peux dire, des bonnes relations avec sa mère. Donc tout ça fait que, disons, nous sommes programmés, et c'est un caractère profondément humain, nous sommes programmés pour la prosocialité. Donc nous sommes... Cette prosocialité, c'est pas une espèce d'effet de la complexité culturelle. C'est quelque chose qui est profondément lié à notre biologie, à notre mode de reproduction, à notre mode de développement. On ne pourrait pas faire autrement. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui Grandir avec un grand cerveau. Alors maintenant, voyons ce qui se passe dans les espèces fossiles. Alors, les espèces fossiles dominines, il y en a beaucoup. Et vous allez voir, c'est un petit peu décevant parce que finalement, il y en a peu pour lesquels on puisse vraiment dire quelque chose en termes de vitesse de développement, évolution, développement du cerveau, développement somatique, développement dentaire. Toutes ces histoires d'âge du sevrage, on aimerait répondre à ces questions, parce que, dans le fond, tout ce que j'ai évoqué, ce sont les caractères, je dirais, fondamentalement humains, bien plus que n'importe quel caractère anatomique qu'on peut essayer de regarder sur un os. Et c'est ça qu'on aimerait, dans le fond, savoir. On essaye, mais vous allez voir que c'est assez difficile. Alors, il y a eu différentes approches. Une approche qui a été privilégiée, c'est une approche que je qualifierais de théorique. Alors, pourquoi théorique ? Eh bien, parce que, en se fondant sur ces théories d'histoire de vie, hein, ce que je vous ai expliqué longuement la dernière fois, c'est-à-dire le fait que, dans le fond, il y a des relations, hein, des compromis qui doivent se faire entre différents paramètres biologiques, et qu'on peut construire toutes sortes de courbes qui relie par exemple la taille du cerveau avec l'âge à la première reproduction, ou la masse corporelle, pareil, avec la longévité, ou la maturité sexuelle. Donc tout ça, ça marche. Hein. Il y a des relations entre toutes ces choses-là. Et on sait que les grosses bêtes, les gros mammifères, c'est vrai aussi pour les gros cerveaux, eh bien, vivent plus longtemps, ont une maturité sexuelle plus tardive, etc., etc. Le problème de cette approche-là, c'est quand même un peu, je dirais, à la serpe. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, toutes ces courbes qu'on publie très souvent, encore une fois, ce sont des courbes qu'on présente dans des diagrammes qui sont des diagrammes logarithmiques. Et ça veut dire que, évidemment, tous ces points semblent très très proches sur le graphe, mais en fait, en gros, quand on parle, par exemple, de la taille, vous voyez, ici, on a un gorille, et puis là, ici, on a un animal qui est gros comme une grosse souris. Hein. Donc, il y a des différences très très fortes quand on se déplace le long de ces échelles-là. Et le problème, c'est que ces outils mathématiques-là ont un pouvoir prédictif qui est très faible. Concrètement, vous voyez, ici, il y a des hommes qui sont représentés sur la courbe. On peut y mettre, là, vous avez le chimpanzé. Vous voyez que dans le fond, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de la courbe, il y a une certaine variance. Hein, mais pratiquement, imaginez que vous êtes un extraterrestre, vous arrivez sur Terre et vous avez la courbe dans la poche et vous trouvez un homme sans tête. Et la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir prévoir la taille de son cerveau? Ben, la réponse, c'est non. La réponse, c'est vous allez, évidemment, vous allez trouver qu'il a probablement un cerveau assez gros, mais est-ce qu'il est plutôt de la taille d'un gros chimpanzé ou est-ce qu'il est trois fois plus gros? Ça, c'est pas possible de répondre parce qu'en fait, on va être toujours autour de cette courbe. Hein. Donc c'est assez difficile de faire ce genre de prédiction. Mais il y a des gens qui s'y sont quand même amusés. Voilà un chercheur qui a beaucoup publié sur ses théories d'histoire de vie, qui a essayé de faire des prédictions sur, dans le fond, ce qui se passait chez un Australopithèque, un Homo erectus, enfin un Homo habilis, un Homo erectus ancien, récent, un Homo sapiens. Tout ça est bel et bon, mais dans le fond, on n'est pas très très sûr que ça veuille dire grand-chose. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir des données empiriques. Alors, les données empiriques, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. Le premier outil que les anthropologues ont utilisé pour analyser le développement, c'est le développement dentaire. Et le développement dentaire, d'ailleurs, en médecine légale, c'est quelque chose qui est utilisé abondamment dès qu'on a affaire à des enfants pour déterminer l'âge. On sait, on connaît, on a analysé assez bien, il y a des tas de statistiques qui ont été publiées là-dessus, l'âge auquel les différentes germes dentaires se forment, se calcifient, viennent à éruption. Donc vous savez, par exemple, que je sais pas, chez un enfant, la première molaire émerge autour de 6 ans, par exemple. Et puis la dent de sagesse, c'est beaucoup plus tard, c'est plutôt vers 16, 18 ans, même parfois jamais, mais enfin en tout cas c'est assez tardif. Donc on a des chiffres et on a aussi des comparaisons entre ce qui se passe chez les hommes et ce qui se passe dans d'autres espèces, par exemple ici cette comparaison homme-chimpanzé. Et on sait que entre l'homme et le chimpanzé, il y a des différences d'âge, de formation et d'éruption de ses dents. Mais aussi, il y a des différences dans l'ordre d'éruption de ses dents. Et par exemple, chez un homme, la canine, chez un petit enfant, ces canines permanentes vont venir d'abord et sa seconde molaire beaucoup plus tard. Chez les chimpanzés, c'est le contraire. Vous voyez que la canine vient à éruption presque à l'âge de la dent de sagesse, de la troisième molaire. Alors le problème d'utiliser cet outil-là, c'est que c'est assez facile d'étudier le stade de développement dentaire, c'est assez facile de comparer l'ordre de formation des dents dans différentes espèces, de voir si c'est plutôt humain ou pas humain, mais c'est quand même assez difficile d'utiliser ça pour produire des âges calendaires, c'est-à-dire des âges réels. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe si dans une espèce déterminée, la formation dentaire est exactement comme chez l'homme actuel, sauf que ça va beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Donc on n'a pas de moyen de mesurer ça. Alors c'est très embêtant, C'est très embêtant parce qu'en fait, on s'est rendu compte depuis longtemps que ces formations, la formation dentaire, c'est quelque chose qui est très lié à d'autres paramètres du développement. Et là encore, on a fait beaucoup d'études là-dessus. En particulier, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Holly Smith, qui a publié en 1989 un tableau qui est très très connu et qui met en relation l'âge d'éruption dentaire, par exemple la première molaire, ou la fin de la formation de la dentition complète, avec d'autres paramètres comme la durée de la gestation, l'âge de la maturité sexuelle ou des choses comme ça. Et vous voyez quoi ? Vous voyez par exemple que l'éruption de la dent de sagesse, de la troisième molaire, ça a une corrélation de 0,97, c'est-à-dire c'est presque 1, avec l'âge de la maturité sexuelle. Donc, ça serait formidable, dans le fond, si on avait l'âge de l'éruption de la M3 chez tout un tas de créatures, parce qu'on considère que c'est l'âge de la maturité sexuelle. Quand on a sa dent de sagesse, c'est là qu'on peut se reproduire. Alors, c'est vrai pour d'autres caractères dentaires. Par exemple, la corrélation est un peu moins élevée, 0,93, mais l'éruption de la M1, l'âge, je vous rappelle que c'est 6 ans chez un homme actuel, grâce à ça, on peut prédire l'âge de la première reproduction chez les primates. Hein. Donc ça marche très bien. Alors comment on s'en est tiré ? Eh bien, on s'en est tiré en restant sur cette idée que les dents, c'est dans le fond le meilleur outil qu'on a, en tout cas la formation dentaire, pour faire des prédictions sur des paramètres du développement. On est allé voir à l'intérieur des dents les tissus dentaires eux-mêmes pour voir comment ils se formaient. Et qu'est-ce qui se passe si on prend une dent, ici c'est un germe d'une incisive, donc qui n'est pas usée, hein, qui est encore à l'intérieur du maxillaire. Si on l'agrandit énormément, on voit à la surface des lignes, et ces lignes, qu'on appelle les périchymaties, ce sont en fait l'émergence à la surface de la dent de couches d'émail, qui se forme à un rythme qui est un rythme que l'on a essayé de déterminer. On a essayé de le déterminer essentiellement. Alors les Japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont fait des expériences assez terribles avec des chats. Ils ont déjà montré à ce moment-là qu'on avait, en gros, un rythme qui était constant dans la formation de ces fameuses périchymaties à la surface des dents et à l'intérieur des dents, l'équivalent des périchymaties, ce qu'on appelle les stries de Retzius. On a pu, sur des primates aussi, mettre en relation la formation de ces couches d'émail dentaire avec, par exemple, l'injection de produits, par exemple de traitements à certains animaux. Et grâce à ça, on a pu réellement compter, parce qu'on avait la date de moment de ce traitement, on a pu compter vraiment en jours le rythme de formation de ces structures. Et le rythme de formation de ces structures, c'est pour les stries de Retzius, chez les hommes, on va laisser de côté les autres pour l'instant, chez les hommes, c'est quelque chose entre 6 et 10 jours. Alors, on dirait que c'est une grosse variation, mais en fait, disons, il y a très peu d'individus qui sont 6 jours ou 10 jours. La majorité des hommes, c'est plutôt autour de 8 jours. Donc, toutes les semaines, au cours du développement, il y a une nouvelle strie de Retzius qui se forme, un petit peu comme les stries d'un arbre qui est au cours de croissance et qui, chaque année, forme des stries supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe toutes les semaines ? On ne sait pas, hein ? Il se passe quelque chose, mais il y a c'est probablement la combinaison de plusieurs autres rythmes qui génèrent ce rythme d'environ une semaine. Ce qui est intéressant, c'est que ce rythme, on peut le vérifier aussi en allant voir à l'intérieur des stries de Retzius. Et à l'intérieur des stries de Retzius, on trouve des stries plus fines, qu'on appelle les striations transversales, et qui sont des stries qui se produisent de façon circadienne, c'est-à-dire toutes les 24 heures, c'est lié à l'alternance de veille et de sommeil chez l'enfant dont les dents sont en train de se former. Et quand on compte ces striations transversales, on retombe toujours sur ces chiffres de 7, 8, 6, 9, mais souvent 8. Ce qui est remarquable, c'est que s'il y a quelques variations d'un individu à l'autre, à l'intérieur d'un individu, c'est quelque chose qui est stable. C'est-à-dire, si vous êtes un enfant à 8 jours de périodicité pour les stries de Redius, toutes vos dents vont être comme ça. Ça ne change pas au cours de la croissance. C'est quelque chose qui est stable. Ces stries, d'autre part, enregistrent des événements qui sont des événements qui représentent des stress biologiques pour l'enfant au cours de sa croissance. C'est-à-dire que si l'enfant a un accident, une fracture, une maladie infectieuse, un épisode de famine, quelque chose comme ça qui se passe au cours de son développement, eh bien, comme dans les stries qui se produisent dans notre arbre en cours de croissance, eh bien, l'année de la sécheresse ou l'année de l'hiver très rude, il va y avoir une strie qui va être marquée de façon particulière, qui va être plus étroite, par exemple, pour le bois qui se produit en été s'il n'y a pas assez d'eau. Et donc, on trouve certaines de ces stries, ces marques de stress, ce qui permet de corréler, plutôt de caler le développement d'une dent sur la dent suivante, parce qu'on retrouve la même succession d'épisodes de stress. Et on trouve ça dans l'émail dentaire, on trouve ça aussi dans la dentine qui se construit en dessous. Et alors, il y a une ligne de stress qui est tout à fait particulière, qu'on appelle la ligne néonatale, eh bien, c'est la ligne qui est marquée le jour de la naissance. Alors, le jour de la naissance, on a déjà des germes dentaires qui sont en train de se développer. La première molaire dont je parlais tout à l'heure, qui va sortir à 6 ans, à la naissance, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est en train de commencer à se développer. Et comme la naissance, c'est un stress, c'est un stress pour la mère, mais c'est aussi un stress pour le bébé, eh bien, on va trouver dans la première molaire de vous tous, là, si on la prenait, qu'on la coupait, qu'on regardait, la mettait sous un microscope, on trouverait, à peu près 3 semaines après le début de sa formation, il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, eh bien, c'était votre naissance. D'accord ? Donc, on peut, grâce à ça, trouver une ligne qui marque le jour de la naissance, et ensuite compter des jours de développement sur une dent, trouver une ligne de stress, repérer cette ligne de stress sur la dent suivante et aller comme ça de proche en proche jusqu'au jour de la mort de cet enfant, puisque évidemment tout ça c'est très utile pour établir l'âge et la vitesse de développement des enfants, mais une fois que leur denture est terminée, il n'y a plus moyen de savoir quoi que ce soit, puisque ensuite elle ne va plus être modifiée. Alors on a beaucoup travaillé sur ces techniques-là au cours des dernières années. On a travaillé d'abord en faisant de l'histologie, c'est-à-dire en coupant des dents, et puis plus récemment en utilisant de l'imagerie virtuelle et en particulier des synchrotrons. Alors, je vous ai mis ici une photo du synchrotron européen qui se trouve à Grenoble. Alors, vous voyez que ce n'est pas une petite machine, hein. C'est un anneau dans lequel on a des électrons qui tournent et on peut distraire un faisceau qu'on utilise comme un espèce de scanner, si vous voulez, de très grande précision, qui produit une lumière qui est presque cohérente, qui est monochrome, enfin je ne rentre pas dans les détails techniques, mais qui a une capacité à visualiser ces microstructures sans couper ou détruire la dent, ce qui pour des fossiles est extrêmement précieux. Et je vous montrais ici une mandibule d'un enfant qui vient d'un site d'Israël, qui est un site de Jebel Kafzé. Et donc, il s'agit d'un enfant d'Homo sapiens, d'homme moderne ancien, si vous voulez. On peut virtuellement aller extraire un bout d'émail de cette dent. On peut visualiser les prismes d'émail et, avec des techniques particulières, eh bien, on va pouvoir visualiser ces striations et faire apparaître les stries de Redius et les cross-striations, les striations transversales. Et donc on peut, avec un fossile comme ça, sans le détruire, en allant virtuellement à l'intérieur, dans le fond, établir de façon très très précise son âge à la mort et sa vitesse de développement. Alors maintenant, revenons à nos fossiles pour voir comment tout ça peut être utilisé. On va commencer avec les Australopithèques. Alors donc, je vais vous parler en gros de quatre groupes. Les Australopithèques et les paranthropes, mais surtout les Australopithèques. Je vais vous dire ce qu'on peut dire là-dessus, sur ces différents paramètres. Ensuite, on ira voir les premiers représentants du genre Homo, les Homo erectus. Ensuite, des formes du Pléistocène supérieur, les Néandertaliens, puis on dira quelques mots des hommes modernes. Alors, quand on a commencé à utiliser de l'imagerie scanner sur les Australopithèques, eh bien, ça a été une assez grande surprise parce que dans le fond, on croyait, enfin, il y avait des gens qui avaient travaillé là-dessus, on croyait que les Australopithèques avaient une démographie, en fait, assez humaine, hein, et un mode de développement assez humain. Alors, patatras, dès qu'on a commencé à scanner l'intérieur des mandibules, par exemple, de cet enfant de Tong, qui est un Australopithèque africanus d'Afrique du Sud, le premier qu'on ait même trouvé, on s'est rendu compte que, en tout cas, en termes d'ordre de calcification et de développement dentaire et d'éruption dentaire, eh bien, en fait, on avait quelque chose qui ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup à un grand singe. Et donc là, on s'est dit que, en fait, peut-être que ces Australopithèques étaient encore avec un schéma de développement qui était beaucoup plus proche, celui, disons, d'un chimpanzé ou d'un gorille que celui d'un homme. Alors ça a été en grande partie confirmé quand, au début des années 2000, on a commencé à aller regarder les microstructures dentaires. C'est-à-dire là, on n'a plus seulement regardé l'ordre d'apparition de la canine, etc., mais on est allé à l'intérieur des dents compter ces fameuses striations. À l'époque, on n'utilisait pas le synchrotron, hein, il fallait couper les dents. Hein. Et voilà une des premières études, je crois peut-être la première, qui date de 2001, où on a, dans le fond, regardé quel était le temps de formation par rapport à l'épaisseur de l'émail dans différents groupes fossiles. Et vous avez ici à gauche, en rouge, des Australopithèques, comparés à des grands singes en vert et à des hommes actuels en bleu. Et bon, c'est pas la peine d'insister beaucoup. Vous voyez que, en termes de vitesse de formation dentaire, ces Australopithèques se développent à peu près comme des grands singes. Et même l'émail dentaire se développe même un petit peu plus vite, en fait, que chez les grands singes. En tout cas, de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on observe chez les hommes actuels. Donc cela, associé au fait qu'on a un rythme de formation dentaire qui ressemble beaucoup à celui des grands singes. Donc l'idée qui s'est installée à ce moment-là, c'est qu'en fait, les Australopithèques avaient probablement un type de croissance qui était encore très très proche de celui des grands singes et très différent de celui des hommes actuels. Alors ça mérite quand même quelques nuances, et en particulier, on a trouvé peu, mais on connaît quelques individus qui sont soit des Australopithèques africanus, comme l'enfant de Tong, ou des afarensis, qui viennent d'Afrique de l'Est, qui sont plus anciens, et qui sont des bébés, des très jeunes enfants, de 3, 4 ans, quelque chose comme ça. Et on peut, pour ces fossiles, en tout cas pour certains on l'a fait, aller regarder les microstructures dentaires et ensuite aller regarder la taille du cerveau. Hein. Et là, ça permet une comparaison entre les hommes, les Australopithèques et les chimpanzés. Ce que vous avez ici, c'est un graphique qui vous montre l'évolution de la taille de l'encéphale, en tout cas du volume endocrânien, en proportion de la moyenne de la taille adulte. Il y a un problème, je dirais, méthodologique avec ça, qui est le fait que pour calculer ce qu'on appelle le volume endocrânien proportionnel, on est obligé de prendre la moyenne de la valeur adulte. C'est un petit peu un problème, je vais vous dire pourquoi, parce que la capacité crânienne, elle varie beaucoup d'un individu à l'autre. Et on sait que les enfants qui ont un gros cerveau ou un plus petit cerveau vont donner des adultes qui ont un gros cerveau ou un petit cerveau. En fait, il y a une corrélation forte entre la taille du cerveau à un an ou deux et la taille de l'adulte correspondant. Mais quand on a affaire à un enfant qui est mort, on ne sait pas quel adulte il va devenir, et donc on ne peut que le comparer à la taille moyenne adulte, ce qui a tendance à accroître la dispersion de ces points qui, en réalité, si on avait des données longitudinales, seraient beaucoup plus groupées. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ces petits australopithèques, pour cette valeur-là, tombent plutôt dans la variation humaine que dans la variation chimpanzé. On peut regarder non pas la valeur proportionnelle, mais la valeur absolue. Et là, vous voyez qu'on a des bébés australopithèques qui tombent en valeur absolue dans les valeurs chimpanzés, quand ils ont 2, 3, 4 ans, et puis qui, quand on regarde cette valeur proportionnelle, dans la variation humaine. L'explication probable, c'est que la taille adulte du cerveau chez les australopithèques afarensis ou africanus est supérieure à ce qu'elle est chez, disons, les chimpanzés. Pas très supérieure, mais elle est supérieure de 15%, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on pense, c'est que effectivement, ils ont un mode de croissance qui est un mode de croissance un petit peu de type grand singe, mais leur cerveau va continuer à grandir un peu plus longtemps que ce qui se passe chez les chimpanzés ou les gorilles. Donc vous voyez que là, on a, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'on a un pattern général qui est donné, mais qui, dans le fond, ne correspond ni vraiment à un modèle grand singe, ni vraiment à un modèle humain qui est entre les deux, mais beaucoup plus près du modèle grand singe. Et c'est souvent ce qu'on va trouver dans la suite. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée qu'on a un modèle humain et un modèle grand singe, c'est une idée naïve, en fait. Il n'y a pas un modèle grand singe et un modèle humain. Il y a probablement des modèles grand singe et des modèles humains, en tout cas des modèles hominines. Et dans le fond, les hominines du passé ont chacun eu leur propre mosaïque de caractère. Cours du Collège de France, vous venez d'écouter le 24 octobre 2017 le cours de Jean-Jacques Hublin, Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine. Aujourd'hui, grandir avec un grand cerveau. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Biologie de la culture, paléanthropologie du genre homo » et avec Bernard Sêtre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Un grand merci à Virginie Chauveté, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son interrogation des contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine. Il sera question d'Homo erectus et on va commencer à s'intéresser à l'alimentation. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.